peut-elle bien faire à cette heure? Pense-t-elle à moi quand elle est avec lui? Je ne voudrais pas faire de problème, mais je l'aime. Avec lui je vis dans un rêve. Il est temps pour moi d'atterrir. Je perds le fil, je suis prisonnière de son amour. Je suis venue te dire que je m'en vais. Ta vie est belle et suit son cours, mais moi je cours après quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi venir me dire ça devant ma porte? À quoi tu joues? Me demander de choisir l'un d'entre vous. Je sais que c'est chose que je fais, mais s'il te plaît. Voilà 2 ans que ça dure, j'ai mal, tu ne me laisses plus le choix. Ne sois pas comme ça si impatient. Avec lui je vis dans un rêve. Il est temps pour moi d'atterrir.